Si tu te mets à mal agir comme moi, dis-moi où est-ce qu'on va là. Si tu te mets à mal agir comme moi, écoute-moi, on n'en restera pas là. Tu n'es pas. Même si t'essayes de voir ailleurs pour te venger, ton cœur finira par pencher de l'autre côté. Tu n'es pas moi, tu ne sais pas ne pas aimer. Mais juste le fait de savoir que tu y as pensé, tu vas me rendre fou. Jaloux, je perds du temps et je perds des sous. J'ai peur de nous, de nous. Tout le monde me parle mais je fais le sou. Tu me rends fou. Jaloux, tout ce temps j'ai perdu des sous. J'ai peur pour vous et pour vous. Il se passera quoi quand je ne serai plus sous. Au final tu l'as fait quand même. Et tu oses me dire que tu m'aimes. Dis-moi ce qui va pas dans ta tête. Donne-moi le nom de ce négro. Avec 5-6 négros, on va l'emmener sur le teco. J'étais sûr qu'au fond de toi tu trouverais la force de me pardonner. Ça m'a même pas traversé l'esprit de me dire que tu pouvais me haïr comme ça. On a vraiment vécu tout ça pour que ça se finisse comme ça. T'as réussi à me mettre un couteau dans le dos. Oui c'est la même bêtise mais nous deux c'est pas pareil. Moi c'est pas pareil. T'avais dit de ne pas jouer avec les hommes. Oui c'est la même bêtise mais nous deux c'est pas pareil. Tu vas me rendre fou. Jaloux, je perds du temps et je perds des sous. J'ai peur de nous, peur de nous. Et de tout le monde me parle mais je fais le sou. Tu me rends fou. Jaloux, tout ce temps j'ai perdu des sous. J'ai peur pour vous et pour vous. Il se passera quoi quand je ne serai plus sourire. Ma blessure ne va pas guérir. Est-ce que j'ai eu ce que je mérite? On a tous les deux mal agi, mais les femmes aiment, les hommes ont envie. Ma blessure ne va pas guérir. Est-ce que j'ai eu ce que je mérite? On a tous les deux mal agi. Fou, jaloux, je perds du temps et je perds des sous. J'ai peur de nous, de nous. De nous, j'ai tout peur. Le monde me parle mais je fais le sou. Tu me rends fou. Jaloux, tout ce temps j'ai perdu des sous. J'ai peur pour vous et pour vous. Il se passera quoi quand je ne serai plus sourire. Toi et moi ça sera jamais pareil. Hommes et femmes ça sera jamais pareil. Toi et moi ça sera jamais pareil. Hommes et femmes ça sera jamais pareil. Baby, toi et moi ça sera jamais pareil. Hommes et femmes ça sera jamais pareil. Jamais. Toi et moi ça sera jamais pareil. Jamais. Hommes et femmes ça sera jamais pareil.